Toujours à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les presses de divers pays ont fait les rédactions spéciales. Le journal laotien Passason et la revue de Hong Kong Liaison internationale du mois d'août ont présenté respectivement avec le portrait en sourire du président Kim Il-sung et les photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un des numéros spéciaux. Les journaux indiens Rise in Europe et World Mirror, le journal pakistanais Election Times et le homepage internet du Parti socialiste romain Tricolore ont donné les articles titrés « Puissance indépendante » et « Puissance invincible ». L'agence de presse congolaise a présenté dans l'homepage internet un article titré « Priorité à la capacité de se renforcer soi-même de la République populaire démocratique de Corée » et le cercle allemand d'études de la culture coréenne a véhiculé dans l'homepage internet de l'agence de tourisme MS un écrit titré « Pays du peuple ». Le cercle sud-africain d'études du kimilsonisme-kimjongilisme et la filiale brésilienne de l'association d'amitié avec la Corée ont inséré dans leur page d'internet les articles comme « Puissance nucléaire d'indépendance » et « Un pays petit et faible devenu une puissance ». La revue hongkongaise a également exposé des photos sur la réussite au lancement du satellite d'observation de la Terre Kwangmyŏng-sun 4.